le malheur est arrivé. Un soir, ne rentrant pas à l'heure limite fixée par son père, Jacques a dû passer la nuit dehors. Mais le lendemain matin, qu'y a-t-il? Il y a le fils Vintra qui a voulu assassiner son père. Je n'ai pas essayé d'assassiner mon père. C'est lui qui m'aurait volontiers estropié. Il répétait, je te casserai les bras et les jambes. Eh bien non, vous ne casserez les bras et les jambes à personne. Oh, je ne vous frapperai pas. Mais vous ne me toucherez point. C'est trop tard. Je suis trop grand. Bas les mains, ou gare à vous. Âgé désormais de 18 ans, alors que Jacques est décidé de partir ensuite à Paris pour défendre le droit des enfants, il se bat en duel pour défendre son père, agressé par le frère aîné d'un élève que le père avait giflé. Blessé dans ce duel, Jacques entend son père annoncer à sa mère qu'une fois guéri, il pourra regagner Paris. C'est pour moi qu'il s'est battu. Il semble que sa voix tremble. Oui, oui, il vaut mieux que nous nous séparions. De loin, nous ne nous colérerons pas. De près, il me haïrait. Il me hait peut-être déjà. Mais c'est plus fort que moi. Ce professorat a fait de moi une vieille bête qui a besoin d'avoir l'air méchant et qu'il devient, à force de faire le croque-mitaine et les yeux creux. Ça vous tanne le cœur. On est cruel. J'ai été cruel. Comme moi, dit ma mère. Mais je lui ai dit un jour à Paris. Je lui ai presque demandé pardon. Et si tu avais vu comme il a pleuré. Toi, tu as su lui dire. Moi, je ne saurais pas. Il vaut mieux qu'il parte. Tu l'embrasseras avant de partir. Non, tu l'embrasseras pour moi. Je suis sûr que j'aurais encore l'air chien sans le vouloir. C'est le professorat, je te dis. Tu l'embrasseras. Et tu lui diras, en cachette, que je l'aime bien. Moi, je n'ose pas. J'entends. Quel bonheur que j'ai été blessé et que je sois couché dans ce lit. Je n'aurais jamais su qu'il m'aimait. Ah, je crois qu'on eût mieux fait de m'aimer tout haut. Il me semble qu'il me restera toujours dans ma vie d'enfant des trous de mélancolie et des plaies sensibles dans le cœur. Mais aussi, j'entre dans la vie d'homme, prêt à la lutte, plein de force, bien honnête. Il ne s'agit plus de pleurer. Il faut vivre. Rassemblant ensuite ses affaires pour partir, Jacques demande à sa mère de lui apporter ses habits. Ce sont ceux du duel. Ma mère les apporte. Elle aperçoit mon pantalon avec un trou et taché de sang. Je ne sais pas si le sang s'en ira. La couleur partira avec, bien sûr. Elle donne encore un coup de brosse, passe un petit linge mouillé, fait ce qu'il faut. Elle a toujours eu si soin de ma toilette, mais finit par dire en hochant la tête. Tu vois, ça ne s'en va pas. Une autre fois, Jacques. Mais au moins, ton vieux pantalon.